Control what comes over me.

moving, keep on pushing, pushing. Keep on moving, fueling, keep on pushing, pushing. If you reach, keep on moving, a little deeper. Keep on pushing, pushing. If you reach, keep on moving, a little deeper. Keep on pushing, pushing. If you reach, we'll be right back. other side. Here it's ready. Wait a second. Do you know him? Now you feel it. You still want more? Do it again. Yes. We'll be right back. Please give me your hand. Ik zie geen schistree.

qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hashish ou opium? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hashish ou opium? Hashish ou opium? Suivez-moi. Qu'est-ce qui c'est? Un client. Il vient de la part d'Hassan. Il voudrait fumer l'opium. Eh bien, qui c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hashish ou opium? Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez?